Section 7 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 7. Le pronom. Le nom n'a pas seulement un camarade, il a aussi un remplaçant. Ce serait bien fatigant si les mêmes mots revenaient toujours dans la phrase. Si l'on disait par exemple « Mademoiselle Lily veut qu'on donne des confitures à Mademoiselle Lily. Mademoiselle Lily tourmente sa maman. » Sa maman va se fâcher contre Mademoiselle Lily. « Oh maman, tu sais bien que je ne le fais plus. » Ce n'est pas pour te le reprocher. C'est pour te montrer quelles drôles de phrases on ferait si l'on n'avait pas imaginé les pronoms qui se mettent de temps en temps à la place du nom. Comment dit-on ? Mademoiselle Lily veut qu'on lui donne des confitures. Elle tourmente sa maman qui va se fâcher contre elle. Lui, elle et qui sont des pronoms. Il n'est pas difficile de les reconnaître. Il y a trois personnes dans les pronoms et tu comprendras du premier coup ce que c'est que ces trois personnes quand je te l'expliquerai. Mais cela va venir tout à l'heure en parlant du verbe. Mademoiselle Lily demande qu'on passe au verbe. Elle se sent tout à fait à son aise avec la grammaire et n'a peur de rien. Fin de la section 7. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.